Le cas Wagner. Un problème musical. Pour pouvoir rendre justice à cette œuvre, il faut souffrir de la fatalité de la musique comme d'une plaie ouverte. De quoi je souffre lorsque je souffre de la fatalité de la musique? Je souffre de ce que la musique ait perdu son caractère affirmateur et transfigurateur du monde. Je souffre de ce qu'elle soit une musique de décadence et non plus la flûte de Dionysos. En admettant cependant que l'on considère la cause de la musique comme sa propre cause, comme l'histoire de sa propre souffrance, on trouvera que cet écrit est plein d'égards et qu'il est indulgent au-delà de toute mesure. Être joyeux, dans ce cas, et se persifler soi-même avec bonté, ridendo dicere severum, alors que le verum dicere justifierait toutes les duretés, c'est l'humanité même. Qui donc douterait que je ne sois capable, en vieil artilleur que je suis, de mettre en batterie contre Wagner mes lourdes pièces? Tout ce qu'il y avait de décisif en cette affaire, je l'ai réservé à part moi. J'ai aimé Wagner. En fin de compte, il y a dans le sens que j'ai donné à ma tâche, dans la voie qu'elle suit, une attaque contre un subtil inconnu qu'un autre devinerait malaisément. Il me reste à démasquer encore bien d'autres inconnus qu'un Cagliostro de la musique. À vrai dire, il me reste aussi à tenter une attaque contre la nation allemande, qui, dans les choses de l'esprit, devient de plus en plus paresseuse et pauvre dans ses instincts, de plus en plus honorable. Cette nation allemande qui continue avec un appétit enviable à se nourrir de contradictions, qui avale la foi aussi bien que la science, la charité chrétienne aussi bien que l'antisémitisme, la volonté de puissance, de l'empire, aussi bien que l'évangile des humbles, sans en éprouver le moindre trouble de digestion. Ne jamais prendre fait et cause au milieu des contradictions. Quelle neutralité romantique! Quel désintéressement! Quel sens juste du gosier germanique qui confère à toute chose des droits égaux, qui trouve que tout a du goût! Il n'y a pas à en douter, les Allemands sont des idéalistes. Lorsque je me rendis en Allemagne pour la dernière fois, je trouvai le goût allemand préoccupé de rendre également justice à Wagner et aux trompettes de Seickingen. Moi-même, je fus témoin de l'hommage que l'on rendit à Leipzig, à l'un des musiciens les plus sincères et les plus allemands, le mot allemand pris dans son sens ancien, qui ne signifiait pas seulement allemand de l'Empire, le maître Henri Schütz. On fonda en son honneur une société Liszt, ayant pour but de cultiver et de répandre de la musique d'église rusée. Il ne saurait y avoir aucun doute à ce sujet. Les Allemands sont des idéalistes. Mais ici, rien ne m'empêchera d'être brutal et de dire aux Allemands quelques dures vérités. Qui donc le ferait autrement? Je parle de leur impudicité en matière historique. Non seulement les historiens allemands ont perdu complètement le coup d'œil vaste pour l'allure et pour la valeur de la culture, non seulement ils sont tous des pantins de la politique ou de l'Église, ils vont même jusqu'à proscrire ce coup d'œil vaste. Il faut être avant tout allemand, il faut être de la race, alors seulement on a le droit de décider de toutes les valeurs et de toutes les non-valeurs en matière historique. On les détermine. Allemand. C'est là un argument. L'Allemagne. L'Allemagne par-dessus tout. C'est un principe. Les Germains sont l'ordre moral dans l'histoire. Par rapport à l'Empire romain, ils sont les dépositaires de la liberté. Par rapport au XVIIIe siècle, les restaurateurs de la morale, de l'impératif catégorique. Il y a une façon d'écrire l'histoire conforme à l'Allemagne de l'Empire. Il y a, je le crains, une façon antisémite d'écrire l'histoire. Il y a une façon d'écrire l'histoire pour la cour et M. de Treitschke n'a pas honte. Récemment, une opinion d'idiot en matière historique, un mot de l'esthéticien Swab Vischer, heureusement décédé depuis, fit le tour des journaux allemands comme une vérité que tout bon Allemand devrait approuver. Voici ce mot. La Renaissance et la Réforme, toutes deux réunies, forment un tout. Elles constituent une régénération esthétique et une régénération morale. Quand j'entends de pareilles choses, ma patience est à bout. Et j'ai envie de dire aux Allemands tout ce qu'ils ont déjà sur la conscience. Je considère même que c'est un devoir de le leur dire. Ils ont sur la conscience tous les grands crimes contre la culture des 4 derniers siècles. Et ceci toujours pour la même raison, à cause de leur profonde lâcheté en face de la réalité, qui est aussi la lâcheté en face de la vérité, à cause de leur manque de franchise qui chez eux est devenue une seconde nature, à cause de leur idéalisme. Les Allemands ont frustré l'Europe de la moisson qu'apportait la dernière grande époque, l'époque de la Renaissance. Ils ont détourné le sens de cette époque à un moment où une hiérarchie supérieure, où les valeurs nobles qui affirment la vie et qui garantissent l'avenir, étaient devenues triomphantes, au siège même des valeurs opposées, des valeurs de décadence, devenues triomphantes dans les instincts mêmes de ceux qui s'y trouvaient. Luther, ce moine fatal, a rétabli l'Église et, ce qui est mille fois plus grave, il a rétabli le christianisme au moment où il succombait. Le christianisme, c'est cette négation de la volonté de vivre érigée en religion. Luther est un moine impossible qui, à cause de son impossibilité, attaqua l'Église et, par conséquent, provoqua son rétablissement. Les catholiques auraient des raisons pour célébrer des fêtes de Luther, pour composer des drames en son honneur. Luther et la régénération morale. Le diable soit de toute psychologie. Sans aucun doute, les Allemands sont des idéalistes. Deux fois déjà, lorsqu'avec une bravoure extraordinaire et un formidable effort sur soi-même, un mode de pensée absolument scientifique parvenait à se réaliser, les Allemands ont su trouver des voies détournées pour revenir à l'ancien idéal, pour réconcilier la vérité et l'idéal. Et ce n'était en somme que des formules pour le droit de décliner la science, le droit au mensonge. Leibniz et Kant, ce sont les deux plus grands entraveurs de la véracité intellectuelle en Europe. Enfin, lorsque sur le pont entre deux siècles de décadence, une force majeure de génie et de volonté apparut enfin, une force assez grande pour faire de l'Europe une unité politique et économique qui eût dominé le monde, les Allemands ont, avec leur guerre d'indépendance, frustré l'Europe de la signification merveilleuse que recelait l'existence de Napoléon. De ce fait, ils ont sur la conscience tout ce qui est venu depuis lors, tout ce qui existe aujourd'hui. Ils ont sur la conscience cette maladie, cette déraison, la plus contraire à la culture qu'il y ait, le nationalisme, cette névrose nationale dont l'Europe est malade, cette prolongation à l'infini des petits États en Europe de la petite politique. Ils ont enlevé à l'Europe sa signification et sa raison, ils l'ont poussée dans un cul-de-sac. Qui donc connaît, en dehors de moi, le chemin qui la fera sortir de ce cul-de-sac ? Une tâche assez grande pour lier de nouveau les peuples. Et, en fin de compte, pourquoi ne formulerais-je pas mon soupçon? Dans mon cas particulier, les Allemands essayeront de nouveau tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'une destinée formidable accouche d'une souris. Jusqu'à présent, ils se sont compromis avec moi et je doute fort qu'ils ne fassent pas mieux dans l'avenir. Hélas! Combien il me serait doux d'être ici un mauvais prophète. Mes lecteurs et mes auditeurs naturels sont maintenant déjà des Russes, des Scandinaves et des Français. Le seront-ils toujours davantage? Les Allemands ne sont représentés dans l'histoire de la connaissance que par des noms équivoques. Ils n'ont jamais produit que des faux-monnayeurs inconscients. Cette épithète convient à Fichte, Schelling, Schopenhauer, Hegel, Schleiermacher, aussi bien qu'à Kant et à Leibniz. Ils ne sont tous que des faiseurs de voiles. Les Allemands ne doivent jamais avoir l'honneur de voir l'esprit le plus droit dans l'histoire de l'esprit. L'esprit dans lequel la vérité fait justice des faux-monnayeurs de 4000 ans se confondre avec l'esprit allemand. L'esprit allemand est pour moi une atmosphère viciée. Je respire mal dans le voisinage de cette malpropreté en matière psychologique qui est devenue une seconde nature, de cette malpropreté que laisse deviner chaque parole, chaque attitude d'un Allemand. Les Allemands n'ont jamais traversé un 17e siècle de sévère examen de soi-même comme les Français. Un La Rochefoucauld, un Descartes, sont 100 fois supérieurs en loyauté au premier d'entre eux. Les Allemands n'ont pas eu jusqu'à présent de psychologue. Or, la psychologie est presque la mesure pour la propreté ou la malpropreté d'une race. Et dès lors que l'on n'est pas propre, comment pourrait-on avoir de la profondeur? Il en est de l'Allemand presque comme de la femme. On n'arrive jamais à atteindre le fond parce qu'il n'y en a pas. Voilà tout. Mais quand il en est ainsi, on n'est même pas plat. Ce que l'on appelle en Allemagne « profond », c'est précisément cette malpropreté d'instinct à l'égard de soi-même dont je viens de parler. On ne veut pas voir clair au fond de son propre être. Me permettra-t-on de proposer le mot « allemand » comme monnaie internationale pour désigner cette dépravation psychologique? Voyez par exemple l'empereur allemand. Il dit qu'il croit que c'est son devoir de chrétien de délivrer les esclaves de l'Afrique. Parmi nous autres Européens, on appellerait cela simplement allemand. Les Allemands ont-ils seulement produit un seul livre qui ait de la profondeur? Ils ne possèdent même pas le sens de ce que c'est qu'un livre profond. J'ai connu des savants qui considéraient Kant comme profond. Je crains fort qu'à la cour de Prusse, on ne tienne M. de Treitschke que pour un écrivain profond. Et quand à l'occasion je vante Stendhal comme un psychologue, il m'est arrivé que des professeurs d'université allemande me demandent d'épeler ce nom. Et pourquoi n'irai-je pas jusqu'au bout? J'aime à faire table rase. Je m'enorgueillis même de passer pour le contempteur des Allemands par excellence. La méfiance que m'inspirait le caractère allemand, je l'ai déjà exprimée à l'âge de 26 ans. Troisième considération inactuelle, page 71. Les Allemands sont pour moi quelque chose d'impossible. Quand je veux imaginer une espèce d'homme absolument contraire à tous mes instincts, c'est toujours un Allemand qui se présente à mon esprit. La première chose que je me demande, lorsque je scrute un homme jusqu'au fond de son âme, c'est s'il possède le sentiment de la distance, s'il observe partout le rang, le degré, la hiérarchie d'homme à homme, s'il sait distinguer. Par là, on est gentilhomme. Dans tout autre cas, on appartient sans rémission à la catégorie si large et si débonnaire de la canaille. Or, les Allemands sont canailles, hélas. Ils sont si débonnaires. On s'amoindrit par la fréquentation des Allemands. Les Allemands placent sur le même niveau. Si je fais abstraction de mes rapports avec quelques artistes, avant tout avec Richard Wagner, je n'ai pas vécu une seule heure agréable avec des Allemands. En supposant même que l'esprit le plus profond de plusieurs millénaires apparaisse parmi les Allemands, il se trouvera toujours une noix du Capitole pour s'imaginer que son âme très laide compte tout autant. Je ne saurais tolérer le voisinage de cette race qui ne possède aucun doigté pour la nuance. Malheur à moi, je suis nuance. De cette race qui ne possède aucun esprit dans les pieds et qui ne sait même pas marcher. Tout compte fait, les Allemands n'ont pas du tout de pieds, ils n'ont que des jambes. Les Allemands n'ont aucune idée à quel point ils sont vulgaires, et ceci est le superlatif de la vulgarité. Ils n'ont même pas honte de n'être que des Allemands. Ils veulent dire leurs mots à propos de tout, ils considèrent eux-mêmes leur opinion comme décisive. Je crains même fort qu'ils n'aient décidé de moi. Toute ma vie est la démonstration rigoureuse de ces affirmations. C'est en vain que j'ai cherché une preuve de tact, de délicatesse à mon égard. Je l'ai trouvé chez des Juifs, jamais chez des Allemands. C'est dans ma nature d'être doux et bienveillant à l'égard de tout le monde. J'ai le droit de ne pas faire de différence. Cela ne m'empêche pas d'avoir les yeux ouverts. Je n'accepte personne et, moins que personne, mes amis. J'espère, en fin de compte, que cela n'a pas nui aux preuves d'humanité que je leur ai données. Il y a 5 ou 6 choses dont j'ai toujours fait une question d'honneur. Malgré cela, il demeure certain que presque chaque lettre qui m'est parvenue depuis des années m'a fait l'effet de quelque chose de cynique. Il y a plus de cynisme dans la bienveillance dont on fait preuve à mon endroit que dans une haine quelconque. Je le dis en plein visage à tous mes amis. Aucun d'eux n'a pensé qu'il valait la peine d'étudier n'importe laquelle de mes œuvres. Je devine aux plus légers indices qu'ils ne savent même pas ce qui s'y trouve, pour ce qui en est même de mon Zarathoustra. Lequel de mes amis aurait pu y voir autre chose qu'une présomption illicite, heureusement inoffensive? 10 années se sont écoulées, et personne en Allemagne ne s'est fait un devoir de conscience de défendre mon nom contre le silence absurde dont on l'a enveloppé. Ce fut un étranger, un Danois, qui le premier eut assez de subtilité instinctive et assez de courage pour se révolter contre mes prétendus amis. À quelle université allemande serait-il possible de faire aujourd'hui des cours sur ma philosophie, comme ceux que fit au printemps dernier le docteur Georges Brandes, à Copenhague, qui par là démontra une fois de plus qu'il est psychologue. Moi-même, je n'ai jamais souffert de tout cela. Ce qui est nécessaire ne me blesse pas. Amor fati, c'est là ma nature la plus intime. Mais cela n'exclut pas que j'aime l'ironie, et même l'ironie universelle. Et c'est ainsi que, 2 ans environ avant le coup de foudre destructeur que sera la transmutation et qui fera tomber la Terre en convulsion, j'ai envoyé dans le monde le cas Wagner. Il était dit que les Allemands se tromperaient encore une fois sur mon compte et qu'ils s'immortaliseraient ainsi. Ils en ont encore le temps. Y sont-ils parvenus? C'est à ravir, messieurs les Germains. Je vous fais mon compliment.